Chapitre 9. Retour dans la nuit. Le dimanche matin, Bob Eden se leva à une heure extraordinairement matinale pour lui, et cela pour plusieurs raisons. Les torrents de lumière du soleil californien et le chant des coqs de P.J. Madden qui claironnaient dès l'aube. À 8 heures, Bob, debout dans la cour du ranch, attendait les événements. Il faisait un temps splendide. C'était le meilleur moment du jour. La fraîcheur nocturne s'attardait encore dans l'air d'un bleu opalin. Bob contemplait le sable, les nuages, les sommets des montagnes, dont les reflets changeants eussent terni de leur éclat les pierreries et les joyaux de la bijouterie paternelle. Il n'était pas insensible aux beautés de la nature. Ébloui par cette radieuse matinée, il se préparait à faire le tour du ranch lorsque, derrière la grange, il surprit Martin Thorne creusant un trou profond dans le sable. Son costume sombre, son visage glabre, le faisait ressembler à un croque-mort. Près de lui se trouvait un panier. « Bonjour, » fit Eden. « Qu'enterrez-vous donc par cette superbe matinée ?» Thorne s'arrêta. La transpiration ruisselait sur son large front blanc. « Il faut bien que quelqu'un s'en charge, » fit-il. « Ce nouveau garçon est tellement paresseux. Si on laisse s'accumuler ces ordures, on croira bientôt que tous les pique-niques se donnent rendez-vous dans cette propriété. » Il désigna le panier, plein de vieilles boîtes de conserve. « On demande un secrétaire privé pour enfouir les ordures derrière la grange ?» fit Eden en plaisantant. « Une autre face de votre profession, Thorne. Vous avez raison de les enfouir, » ajouta-t-il en prenant une des boîtes, « surtout celle-ci, qui semble avoir contenu de l'arsenic. » « De l'arsenic ?» répéta Thorne. Il s'épongea le front du revers de sa manche. « Ah oui, nous en employons beaucoup contre les rats. »« Évidemment, contre les rats, » fit Bob d'un ton sarcastique. Thorne vida le contenu du panier dans le trou et se mit à le combler. Eden, qui jouait son rôle de flâneur insouciant, considérait Thorne d'un œil impassible. « Voilà qui va mieux, » observa le secrétaire en finissant de niveler le sable à la surface. « J'ai toujours aimé la propreté. À propos, » ajouta-t-il, « accepteriez-vous un petit conseil ?»« Avec plaisir. » »« Je ne sais pas jusqu'à quel point vous désirez vendre ce collier, mais voilà 15 ans que je vis auprès du patron. Sachez qu'on ne le fait pas attendre impunément. Si vous tardez encore, il annulera certainement le marché. » « J'agis pour le mieux, » répondit Eden. « De plus, M. Madden fait une affaire excellente, et s'il veut bien réfléchir... » Quand P.J. Madden se met en colère, il ne réfléchit plus. Je voulais simplement vous avertir. Je vous remercie. Thorne déposa son panier et sa pelle près de la cuisine, d'où s'échappait une agréable odeur de lard frit, et lentement, il se dirigea vers le patio. Hakim apparut à la porte, le visage tout rouge de s'être penché sur le fourneau. « Bonjour, monsieur, » dit-il. « Vous vous promenez au lever du soleil, ce matin. » « Je me suis levé d'assez bonne heure, mais pas très tôt, » répliqua le jeune homme. Et comme le secrétaire disparaissait dans la maison, il ajouta « Je viens de surprendre notre ami Thorne qui enfouissait des ordures derrière la grange, entre autres, une boîte ayant récemment contenu de l'arsenic. « Monsieur Thorne deviendra un homme de plus en plus occupé, » fit Shan. « On ne s'arrête pas sur la pente du mal. » Le proverbe chinois dit que celui qui chevauche un tigre ne peut descendre de sa monture. Madden apparut dans le patio, l'air frais et dispos. Hey, monsieur Eden, votre père est au téléphone. » De si bonne heure, observa Bob étonné. Je l'ai appelé, j'en ai assez de vos tergiversations. Bob prit le récepteur. Allô, papa? Je puis parler librement ce matin. Je tenais à te faire savoir que tout allait bien ici. Monsieur Madden, il est à côté de moi. Il lui tarde de recevoir le collier. « Tu l'enverras tout de suite ?» Bob poussa un soupir de soulagement. Son télégramme était bien arrivé. « Demandez-lui de le faire partir aujourd'hui même, » ordonna Madden. « Monsieur Madden désire savoir si tu peux le faire partir aujourd'hui. »« Impossible, » répondit le joaillier. « Je ne l'ai pas chez moi. »« Pas aujourd'hui, monsieur Madden. Mon père ne l'a pas chez lui. »« J'ai entendu, » grogna Madden. « Passez-moi l'appareil. »« Voyons, Eden, vous plaisantez ? Vous n'avez pas ce collier ?» Bob entendit la réponse de son père. « Allô, monsieur Madden, comment allez-vous ? Les perles étaient dans un état lamentable. Je ne pouvais vous les envoyer telles quelles. Je les ai fait nettoyer et elles ne sont pas en ce moment au magasin. « Écoutez, Eden !» hurla le millionnaire. « Je vous pose une question. Taisez-vous, mademoiselle. Laissez-nous parler. Je vous le répète, je veux ces perles, tout de suite. Inutile de les faire nettoyer. Je parle assez clairement pour me faire comprendre ?»« Excusez-moi, » répondit tranquillement le père de Bob. « Demain matin, j'enverrai quelqu'un les prendre et elles partiront demain soir. »« Et elles arriveront au ranch seulement mardi soir. Eden, vous me rendez malade. » J'ai bien envie de vous envoyer promener avec vos perles. » Madeleine fit une pause et retint son souffle. « Toutefois, si vous m'assurez qu'elles partiront demain sans faute, hein, je vous en donne ma parole, » dit le bijoutier. « Elles partiront demain soir au plus tard. » « Bien, j'attendrai. Mais je vous préviens, mon ami, je ne traiterai plus d'affaires avec vous. J'attends votre messager mardi. Au revoir. » Furieux, Madeleine raccrocha le récepteur. Sa mauvaise humeur persista durant tout le déjeuner, et ce fut en vain que Bob Eden essaya d'animer la conversation. Après le repas, Thorne prit la petite voiture et disparut sur la route. Bob Eden flâna autour de la maison. Il attendait, et son attente fut moins longue qu'il ne le craignait. Paula Wendell, fraîche et jolie comme une aurore californienne, arriva dans son élégante voiturette et stoppa derrière la clôture des fils de fer barbelés. « Bonjour, » fit-elle. « Montez, vous paraissez content de me voir. »« Content, mademoiselle, vous me sauvez la vie. Les relations sont très tendues ce matin au ranch. Avez-vous jamais déjeuné avec un serpent à sonnette qui vient de recevoir une mauvaise nouvelle ?»« Pas encore. À l'Oasis, la société n'est pas aussi mêlée. Mais dites-moi, avez-vous déjà contemplé d'aussi adorables couleurs ?»« Jamais. Et elles sont naturelles ?»« Mais je parle du désert !» « Voyez ces pics coiffés de neige. Si vous permettez, je préfère porter moins loin mes regards. Sans doute vous a-t-il dit que vous êtes belle. »« Qui ça ?»« Willy, votre fiancé. D'abord, il s'appelle Jacques, et je vous prie de laisser ce brave garçon tranquille. »« Assurément, il est brave, sans quoi vous ne l'auriez point choisi. Mais écoutez un homme qui a l'expérience de la vie. Le mariage est le refuge des esprits faibles. »« Vraiment ?» « Oui, vraiment. J'y ai bien réfléchi. Plus d'une fois. J'ai rencontré des jeunes filles dont le regard semblait dire « Je pourrais peut-être devenir votre femme. » Mais je me suis tenue sur mes gardes. Résister, résister, telle est ma devise. « Et vous y êtes toujours resté fidèle ?»« Certes. Vous me voyez libre et heureux. Quand vient le soir et quand les gaies lumières brillent autour du Union Square, je prends mon chapeau et personne ne me dit « d'une voix douce et patiente. « Où vas-tu, mon cher mari ? Je te suis. »« Personne ? » ?»« Pas une âme. C'est magnifique. Vous, vous êtes dans le même cas. Bien entendu, il existe des millions de jeunes filles qui n'ont rien de mieux à faire que de se marier. Mais vous, vous avez une situation superbe. Le désert, les montagnes, les gorges. Vous échangeriez tout cela, de gaieté de cœur, contre un fourneau à gaz au fond d'un appartement ? « Peut-être pourrions-nous nous payer une bonne. »« Beaucoup le peuvent, mais les bonnes sont introuvables. »« Je vous avertis, réfléchissez. Si vous vous mariez, adieu au bonheur. Vous raccommoderez les chaussettes de Wilbur. »« Je vous ai déjà dit qu'il s'appelle Jacques. »« Peu importe, il usera autant de chaussettes. »« Quel dommage qu'une charmante fille comme vous aille se lier. » Au moment où la voiture franchissait une grille toute grande ouverte, Eden aperçut une énorme maison de campagne entourée d'un groupe de petits cottages. « Nous voici chez le docteur Whitcombe, » annonça Paula. « Il faut que je vous fasse faire sa connaissance. » Elle le fit entrer dans une grande salle, moins richement meublée peut-être que celle de Madeleine, mais plus confortable. Une femme à cheveux gris, au visage empreint de bonté, rêvait tranquillement assise près d'une fenêtre. « Bonjour, docteur. Je vous amène un visiteur, » dit Paula. La femme se leva, et son sourire rayonna autour de la pièce. « Bonjour, jeune homme, » dit-elle en prenant la main de Bob Eden. « Vous êtes le docteur ? » murmura-t-il. « Parfaitement. Mais vous n'avez pas besoin de mes services. Vous vous portez à merveille. Et vous aussi, cela se voit. 55 ans, bien sonné, » repartit la doctoresse, enchantée de ce compliment. « Asseyez-vous et mettez-vous à l'aise. Où habitez-vous ? » au bas de la route, chez Monsieur Madeleine. Ah oui, il paraît qu'il est là actuellement. Il ne voisine guère, ce P.J. Madeleine. Je suis allé le voir, mais il n'a pas daigné me rendre la politesse. Ses manières distantes n'ont point cours dans le désert. Vous avez été si bonne pour tant de gens, dit Paula Wendell. Le docteur Whitcombe haussa les épaules. À quoi bon vivre si on ne s'entraide? Venez, je vais vous faire visiter mon domaine. J'ai fait fleurir le désert. Voilà ce que je veux qu'on inscrive sur ma tombe. Pour commencer, je n'avais qu'un fusil et un chat. Et le chat ne voulait pas rester. J'ai bâti de mes propres mains ma première maison. Chaque jour, je faisais à pied, aller-retour, les 6 kilomètres qui nous séparent d'Eldorado. Elle leur fit visiter les maisonnettes. À l'approche du docteur Whitcombe, les visages fatigués se détendaient, les yeux ternes brillaient soudain. « Ici, dit Paula, les désespérés, les malades, les neurasthéniques reprennent goût à la vie. Je leur témoigne tout simplement un peu d'amitié. Le monde est si dur. La bonté opère des miracles. » À la porte d'un des cottages, ils tombèrent sur Martin Thorne, en conversation animée avec Shaki Phil Medorf, qui adoucit sa voix en s'adressant au docteur. Le docteur Whitcombe accompagna les deux jeunes gens à la grille et leur dit « Revenez souvent me voir, vous serez toujours les bienvenus. » « Très volontiers, répondit Eden, je commence à goûter la beauté du désert. » Paula Wendell fit tourner sa voiture et ils repartirent vers le ranch de Madeleine. « Je me croyais en visite chez une bonne vieille tante, dit Eden. Je m'attendais presque à ce qu'elle me donnât une brioche en partant. « C'est une femme étonnante, assura la jeune fille. Lors de ma première nuit au désert, la vue de sa lumière me réconforta. Je frappai à sa porte et elle me reçut avec cette bonté qui illumine son regard. Ils continuèrent leur route sous les rayons de midi. Une brume légère enveloppait les dunes lointaines et les pentes des montagnes. La pensée de Bob Eden revint vers les étranges problèmes qui hantaient son esprit. « Vous ne m'avez pas encore demandé le but de mon voyage, » dit-il. « En effet, mais nous sommes tous amis dans le désert, et vous me raconterez bientôt votre histoire. » « Je le voudrais bien, mais pas aujourd'hui. À votre première visite au ranch de Madeleine, vous avez eu l'impression qu'il s'y passait quelque chose d'insolite. Eh bien, je puis vous dire qu'il semble que vos pressentiments étaient fondés et que ma tâche consiste à découvrir, si oui ou non, vous aviez raison. Je donnerai gros pour rencontrer ce vieux prospecteur. Pensez-vous le retrouver au hasard de vos pérégrinations ? Cela se peut. En ce cas, voulez-vous m'avertir aussitôt ? Très heureuse de vous rendre ce service. À cette heure, le pauvre homme chemine peut-être dans l'Arizona. Il semblait avoir hâte de fuir. Raison de plus pour chercher à le rattraper. L'automobile fit halte devant le ranch et Bob Eden en descendit. Il resta un instant debout à contempler les yeux de la jeune fille. Leur expression de calme et de bonté lui rappelait ceux du docteur Whitcombe. « Je l'avoue, dit-il en souriant, j'ai éprouvé de l'aversion pour Wilbur. À présent, je reconnais qu'il m'a rendu un fier service, et je le remercie du fond du cœur. Que me racontez-vous là? Vous ne comprenez pas? Actuellement, je me trouve en présence de la plus forte tentation de ma vie. Grâce à Wilbur, je n'ai pas à lutter. Ce bon vieux Wilbur, transmettez-lui tous mes vœux à la prochaine occasion. Ne vous en faites pas, dit Paula en riant. Même s'il n'y avait pas eu ce Wilbur, votre liberté ne courait aucun risque. Cette remarque me rassure, mais elle ne me flatte pas. Je vous remercie de cette trop courte promenade. Le dimanche va être long ici. » Bob ne se trompait pas. Le monotone après-midi s'étira péniblement. À 4 heures, il n'y tint plus. La chaleur ayant diminué et la brise s'étant levée, il demanda à Madeleine, toujours de mauvaise humeur, la permission de prendre la petite auto et il se rendit à Eldorado. Maigre distraction. Installé devant la fenêtre de l'hôtel du désert, le propriétaire parcourait l'interminable journal dominical. On étouffait dans la grand-rue. Bob laissa la voiture devant la porte de l'hôtel et entra dans le bureau de Holley. « Bonjour, dit le journaliste. J'espérais bien vous voir aujourd'hui. Voici un télégramme pour vous. » C'était un message de son père. « Je ne comprends pas ce qui arrive. Très inquiet. Vous confirme mes instructions. Et entière confiance en vous deux. Je dois cependant vous rappeler que je serais très déçu de voir rater l'affaire. Les Jordan pressent la conclusion du marché et Victor menace de se rendre au ranch. Tiens-moi au courant. Voilà du nouveau, dit Bob. Victor Jordan, le fils de la propriétaire des perles, veut venir ici. Il ne manquait plus que cette hurluberlu pour tout gâter. Que se passe-t-il donc? Pas mal de choses. D'abord, un événement tragique. J'ai perdu 47 $. Il raconta la partie de poker avec Madden et Phil Medorf. De plus, ajouta-t-il, j'ai surpris Thorne en train d'enfouir une boîte ayant contenu de l'arsenic, et Charlie a retrouvé le revolver de Bill Hart dans l'armoire du dit Thorne, avec 2 balles en moins. Votre ami Shan mettra bientôt le secrétaire sous les verrous. Sans doute. Il reste cependant beaucoup à faire. On ne peut pas accuser un homme de meurtre sans présenter un cadavre. Oh, Shan en découvrira bien un. À lui l'honneur de la corvée. J'aime l'aventure, à condition que le travail soit propre. Avez-vous des nouvelles de votre interview? Oui, elle paraîtra demain à New York. Les yeux fatigués de Will Hawley brillèrent soudain. J'y pensais juste au moment où vous êtes entré. Il désigna du doigt un gros album posé sur la table. Voilà quelques-uns de mes articles publiés dans le Sun, expliqua-t-il. Eden prit le livre et en tourna les feuillets avec intérêt. Je songe, moi aussi, à faire du journalisme, dit-il. Hawley leva vivement les yeux vers Eden. Je vous conseille d'y regarder à 2 fois. Vous dédaignez la profession de votre père et vous avez tort. Le journalisme, c'est magnifique tant qu'on est jeune. Mais quand vous prenez de l'âge, un beau jour, le directeur du journal entre dans le bureau et s'apercevant que vous grisonnez, il dit à son secrétaire « Mettez-moi ce vieux-là à la porte, il nous faut des jeunes. » « Non, mon petit, pas de journalisme. » La petite pendule du bureau marquait 5 heures lorsque le journaliste se leva et ferma son album. « Je vous emmène dîner avec moi à l'Oasis, » dit-il à son compagnon qui le suivit avec plaisir. À une table en face de l'étroit comptoir, Paula Wendell était assise toute seule. « Bonjour, » s'écria-t-elle, « venez me tenir compagnie. Je me sens le goût de la dépense ce soir, et je me paie le luxe d'une petite table. » Ils prirent place en face de Paula. « La journée vous a-t-elle paru aussi morne que vous le redoutiez ?» demanda la jeune fille. « Très triste, en comparaison de ce qu'elle aurait pu être si vous étiez restée. » « Goûtez à ce poulet, né et engraissé dans notre domaine, » dit Paula. Ils suivirent son conseil. Quand les généreuses portions furent apportées, Bob écarta les coudes. « Sauf qui peut, je vais découper mon poulet, et quand je me mêle de découper... » Hawley considéra piteusement son plat. « On jurerait que c'est toujours la même bête. Que donnerais-je pour déguster un peu de cuisine familiale ?»« Mariez-vous ?» riposta la jeune fille en riant. « N'est-ce pas votre avis, monsieur Eden ?»« Je connais pas mal de pauvres diables qui se sont mariés dans l'espoir de savourer de la bonne cuisine. Les malheureux reviennent au restaurant et la petite épouse avec eux. La note a doublé et le plaisir diminué de moitié. Vraiment ?» fit Hawley. « Oh, monsieur Eden me disait encore ce matin qu'il était ennemi du mariage. »« Simplement pour la mettre en garde, » expliqua Bob. « Connaissez-vous le fameux Wilbur qui a conquis son cœur innocent et sincère ?»« Wilbur ?» fit Hawley étonné. « Il persiste à donner ce nom absurde à mon fiancé. » Hawley jeta un coup d'œil à la bague de Paula. « Je ne le connais point, mais je le félicite. »« Moi aussi. Toutefois, comme je disais ce matin, « laissons cela, » interrompit la jeune fille. « Will, à quoi pensez-vous ? » « Je me rappelais un certain dîner chez Mouquin. Il paraît que ce restaurant n'existe plus. Je me demande parfois si je me plairais encore à New York. » Il parla du vieux quartier de Manhattan qu'il avait connu, et Bob trouvait que le temps du dîner passait trop vite. Debout près de la caisse, il remarqua pour la première fois un petit homme aux yeux perçants qui allumait un cigare. À son accoutrement, on devinait qu'il n'habitait pas la région. « Bonsoir, voisin, » dit Hawley. « Bonsoir, monsieur, » fit l'autre. « J'allais justement vous demander un renseignement. Je suis venu voir ici une variété de rats, appelée rat kangourou, dont la queue, paraît-il, mesure 3 mm de plus que n'importe quel autre rongeur de cette espèce. Venez donc au bureau du Times, quand il vous plaira. Je vous mettrai en rapport avec toutes sortes de chasseurs de scarabées, de papillons et de souris. » Mais tout à coup, Hawley poussa un cri d'étonnement. Bob Eden tourna la tête et aperçut à la porte de l'oasis un minuscule chinois, très maigre, qui paraissait aussi vieux que le désert. Sa face avait la nuance d'une pipe d'écume amoureusement culottée et ses yeux y brillaient comme deux perles noires. Louis Wong, de retour de San Francisco ? Oui, moi revenu de San Francisco, répondit le Chinois d'une voix aiguë. Vous retournez chez Madame ? Oui. Vous avez de la chance, Louis. Monsieur Eden repart pour le ranch. Il vous y emmènera en auto. Moi prendre le thé chaud. Vous attendre une petite minute, monsieur, fit Louis en s'asseyant devant le bar. Tous trois sortirent. Le petit naturaliste les suivit, et passant devant eux, il disparut dans la nuit. Paula prit congé des deux hommes. Elle avait des lettres à écrire. « N'oubliez pas d'envoyer mes amitiés à Wilbur, » fit Eden. « Ce sont des lettres d'affaires, » dit-elle. « Bonsoir. » Bob demeurait songeur. Louis revenu, fit-il, nous voici dans de beaux draps. Pourquoi ? Louis a peut-être beaucoup à dire, dit Will Holley. Possible, mais s'il reprend son ancienne place, Charlie sera mis à la porte et je demeurerai seul en scène. Je ne me sens pas capable de remplir le rôle. Oh ! Fit Holley, il y a suffisamment de besogne au ranch pour deux domestiques quand Madani séjourne. Il gardera les deux Chinois. Et en un tour de main, Charlie saura tout ce qu'il voudra de Louis et ce que ni vous ni moi nous n'obtiendrions, dussions-nous l'interroger jusqu'au jugement dernier. Bientôt, Louis arriva d'un pas traînant, avec une petite valise d'une main et dans l'autre un grand sac de papier bien gonflé. « Qu'apportez-vous là, Louis ? Des bananes ?» demanda Holley. « Tony lit mes bananes, » expliqua le vieux Chinois. « Présent pour Tony. »« Louis, » dit doucement le journaliste, « Tony est mort. » Quiconque se figure que la face d'un Chinois demeure toujours impassible aurait dû voir Louis en ce moment-là. Une expression à la fois de souffrance et de colère, et il éclata en un flot de paroles terribles. On dirait, à ses imprécations, qu'il se doute de l'empoisonnement, murmura Holley. Louis, criant toujours aussi fort, monta sur le siège arrière de la voiture et Bob Eden prit place au volant. Soyez prudent, conseilla Holley. À bientôt. Bob mit l'auto en marche et, avec le vieux Louis Wong, commença la randonnée la plus étrange de sa vie. La lune n'était pas encore levée et les étoiles, faibles et lointaines, ne donnaient aucune clarté. Ils grimpèrent entre les collines et s'engouffrèrent dans un enfer noir et menaçant qu'Eden sentait sans arriver à le distinguer. De chaque côté de la piste du désert, de petites lumières jaunes et hostiles apparaissaient par instants et s'effaçaient. Les fantomatiques arbres de Judée semblaient se tordre de douleur et lancer au ciel des bras déformés et suppliants. Et constamment, au fond de la voiture, le vieux Chinois marmottait ses étranges anathèmes sur la mort de son ami Tony. Bob possédait des nerfs solides, mais il fut heureux d'apercevoir bientôt les lumières hospitalières du ranch de Madden. Il laissa sa voiture sur la route pendant qu'il ouvrait la barrière. Un morceau de bois, pris dans le loquet, le retarda un instant. Il parvint enfin à le soulever et, remontant sur le siège, il amena la voiture dans la cour. Avec une sensation de soulagement, il la fit tourner et l'arrêta devant la grange où Charlie Chan l'attendait. « Hakim, je vous amène un compatriote. Louis Wong revient au désert, » dit Bob en sautant de l'automobile. Tout demeurait silencieux au fond du véhicule. « Eh bien, Louis, nous voici arrivés au ranch, » cria-t-il. Il demeura terrifié. Dans la pénombre, Louis, affaissé sur ses genoux, penchait sa tête inerte sur la portière gauche. « Mon Dieu !» s'exclama Eden. « Attendez, » fit Charlie Chan, « je vais chercher une lampe électrique. » Bob, effrayé, restait immobile. L'ingénieux Charlie revint rapidement et examina l'intérieur de la voiture. Bob Eden vit alors dans le manteau de Louis une fente au bord sombre et humide. « Frappé au côté, » fit Charlie d'un ton calme. « Mort, comme Tony. » « Assassiné ? Quand ? » s'écria Bob. « Pendant l'instant où j'ai quitté l'auto pour ouvrir la grille ? Mais c'est impossible !» De l'ombre, Martinton approcha, son visage pâle rayonnant dans l'obscurité. « Qu'y a-t-il ? Ah, c'est Louis ! Que lui est-il arrivé ?» Il se pencha sur la portière de la voiture et la lampe que tenait Charlie éclaira un moment le dos du secrétaire. Sa veste sombre avait un long accroc, un accroc qu'on pouvait avoir fait en escaladant une clôture en fil de fer barbelé. « C'est horrible !» s'écria Thorne. « Une minute, je vais avertir Monsieur Madden. » Il courut vers la maison et Bob resta avec Charlie auprès du cadavre de Louis Wong. « Charlie, murmura le jeune homme d'une voix sourde, avez-vous remarqué cette déchirure dans la veste de Thorne ?»« Certes, je l'ai bien vue. Mais que vous disais-je encore ce matin ?» Celui qui chevauche un tigre ne peut descendre de sa monture. Une fois de plus, le vieux proverbe chinois a raison.